Bonjour et je vous souhaite bonne année. Oui, on est le 1er janvier 2012 et lorsqu'on regarde en arrière, on peut voir que Dieu était fidèle parce que Dieu est fidèle en toutes choses. Alors moi, ce que je vous souhaite cette année, c'est que vous puissiez vous coller sur Jésus, vous coller sur Dieu, apprendre de lui. Je sais que cette année, en 2012, Dieu va se révéler à vous. Parce qu'en se révélant à nous, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on voit notre Dieu de mieux en mieux. On voit de plus en plus clair et ça nous émerveille. Dieu nous émerveille. Et on est porté et on est amené tout naturellement, grâce à l'Esprit qu'il a mis en nous, à le glorifier, à l'adorer. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu va faire en 2012. C'est ce qui est encourageant avec nous. On sait que quoi qu'il arrive, le but de Dieu, c'est de se glorifier dans nos vies. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. On va tourner, si vous voulez bien, dans notre livre aujourd'hui, qui est 2 Chroniques, le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 12, qu'on va lire ensemble. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 12. Mais avant tout, on va prier, on va se recueillir. Notre bon Père du ciel, oui, nous te remercions pour cette année que nous venons de terminer avec toi. Combien nous nous réjouissons, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans notre vie, de tout ce que tu nous as appris. Tu t'es révélé à nous et nous t'avons adoré. Et c'est ce que nous désirons faire pour cette nouvelle année 2012. Merci de faire grâce encore une fois à l'humanité. Merci, Seigneur, que ta patience se prolonge encore en 2012. Afin que des gens soient sauvés, afin que des adorateurs soient créés pour toi en ton honneur. Alors, avec cette prédication ce matin, sois glorifié, Seigneur, glorifie ton nom. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 12, on va lire ensemble. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa fureur, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. » Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Quel merveilleux verset, n'est-ce pas, pour commencer l'année? Quel merveilleux verset pour commencer l'année. Parce qu'il va y avoir des temps en 2012 où est-ce que nous ne saurons pas quoi faire. Nous ne saurons pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on n'achète pas? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on ne vend pas? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Toutes des questions qui vont se poser devant nous en 2012. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on se désiste? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on refuse? Toutes sortes de choix. Et cela va arriver qu'on ne sache pas quoi faire. Ce verset se trouve, le verset « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi », ce verset se trouve dans le récit du vieux roi Josaphat. Josaphat était roi de Juda, le royaume du sud. C'est ça, du sud. Si vous vous souvenez bien, après Salomon, après le règne de Salomon, le royaume d'Israël, le royaume, a été divisé en deux. Donc, il y a Israël au nord qui a gardé le nom d'Israël. Et il y a la tribu de Benjamin, la tribu de Juda au sud, qui a gardé le nom de Juda. Josaphat était l'arrière petit-fils de David, du roi David. La Bible nous dit que Josaphat est considéré comme un bon roi. Parmi les rois qui ont régné, Josaphat est considéré comme un des bons rois. La Bible nous dit que Josaphat a marché dans les voies de son père David, son arrière-arrière-arrière-grand-père. Le père de Josaphat s'appelait Asa. Son grand-père s'appelait Abijam. Et son arrière-grand-père s'appelait Roboam, qui est le premier roi qui a régné sur Juda après la division. Roboam, fils de Salomon, fils de David. Donc, un peu plus d'une centaine d'années après le règne de David. Et l'une des choses que fit Josaphat pendant son règne, c'est qu'il a envoyé des enseignants dans toutes les villes de Juda pour enseigner la loi, pour enseigner la parole de Dieu. Et ce dont les gens ont besoin, encore aujourd'hui, en 2012, c'est de recevoir également la parole de Dieu, afin de connaître le Dieu vivant. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous envoie, nous, maintenant, pour enseigner, pour proclamer sa parole, afin que les gens soient sauvés par lui. Vous voyez, 3000 ans d'histoire, parce que l'histoire de Josaphat, ça se situe approximativement 900 ans avant Jésus-Christ, et on est en 2012, donc approximativement 3000 ans d'histoire et toujours le même besoin. Recevoir la parole de Dieu, entendre Dieu nous parler, afin qu'on puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, Josaphat, oui, a envoyé des gens, des enseignants dans toutes les villes de Juda afin d'enseigner la parole de Dieu. Autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait avancer le pouvoir militaire dans son pays. Je vous résume un peu, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a fait avancer le pouvoir militaire de son pays. Josaphat était un roi, donc il régnait sur un pays et il avait des ennemis. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renforcé son ennemi pour pouvoir se défendre. Et pendant qu'il était roi, Dieu a béni son règne. Josaphat a construit des villes Et Josaphat a fait un ménage dans le système judiciaire. Il a donné aux juges de bons principes, de bons préceptes pour juger en toute justice. Il voulait que les juges exercent leurs fonctions honnêtement. Et c'est encore notre besoin aujourd'hui en 2012, n'est-ce pas? Cependant, après cela, après ce que je viens de vous résumer de Josaphat et de son règne, Josaphat a subi, a vécu une grande épreuve dans sa vie, et tout son peuple avec ça. En effet, trois armées sont venues en campagne militaire contre lui. Il y avait au nord-ouest, si on peut voir la carte, il y avait au nord-ouest les Ammonites, qui se sont liés avec les Moabites et les Édomites. Et tous ces ennemis d'Israël, ils étaient ennemis d'Israël et de Juda. Donc, trois rois, chacun avec leur armée, viennent se lier contre Josaphat et son peuple. Ils marchent contre Josaphat, contre Juda, pour lui faire la guerre. La Bible nous dit que dans sa frayeur, au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. C'est sérieux, là. Il y a un édit du roi comme quoi il y a un jeûne afin que tout le monde se tourne vers Dieu. Tout le monde demande le secours de Dieu. Toute la ville s'assembla pour invoquer l'Éternel et Josaphat pria. Josaphat dit dans sa prière, au verset 12, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. » Josaphat, je crois que Josaphat a fait la chose la plus intelligente qu'il pouvait faire en ce moment-là, dans cette situation-là. Il a prié et il s'est confié en Dieu. La chose qu'on pourrait se poser, la question qu'on pourrait se poser, et des fois qui nous vient à l'esprit lorsqu'une épreuve arrive dans notre vie, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Du moins, c'est ce qu'on se disait avant de connaître Dieu. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu se posent des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et c'est la question des fois qu'on peut poser, qu'est-ce que Josaphat a fait? Et peut-être que Josaphat s'est posé cette question-là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais pourtant, la Bible nous dit dans quelques chapitres, trois chapitres avant le chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 17, versets 3 à 5. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, c'est-à-dire les idoles, car il recourt au Dieu de son père. Il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël, qui se tournait vers d'autres dieux. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Donc, ce texte-là nous dit que Josaphat était un homme fidèle et que Dieu aimait. Dans l'épreuve, dans cette épreuve qui arrive dans sa vie personnelle, pour la vie de son peuple aussi, mais c'est vraiment une épreuve qui arrive là. Imaginez-vous, je suis le roi. Je règne, j'ai des sujets, ils m'aiment, je les aime, Dieu me bénit, tout ça. Mais il y a trois pays qui se sont ligués contre moi et qui s'en viennent m'attaquer. Et dans l'épreuve, la Bible nous dit que Josaphat est assailli par la frayeur, par la peur. Elle vient, elle l'envahit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde les yeux fixés sur l'Éternel. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais. Vous savez, mais, le mot mais, c'est un de mes mots préférés dans la Bible. Parce que ça amène un changement de la part de Dieu et souvent une délivrance. Est-ce que ça nous arrive à nous d'avoir des épreuves que nous n'avons pas provoquées? Ce n'est pas le résultat de notre péché. Des épreuves qui nous viennent de l'extérieur, des imprévus, des épreuves que, justement qu'on n'a pas vu venir, ça n'arrive, puis bang, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on a annoncé la nouvelle au roi Josaphat, que ses trois ennemis arrivaient. Lui qui avait une seule armée, mais trois venaient contre lui pour lui enlever son règne, pour lui enlever son pays, pour les détruire. C'est à ce moment-là que Josaphat a dit, « Nous ne savons que faire. » Ce qu'il dit, c'est que je suis dépassé, là, vraiment, là. Autrement, je suis sans ressources, je suis sans force, sans espoir. Si je regarde simplement ce que j'ai, je suis perdu. On est perdu, Seigneur. On est perdu. On est fait comme des rats. Trois fois plus d'hommes qui arrivent contre lui. Trois fois plus fort l'armée. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Je ne veux pas regarder ce que je peux faire. Je ne veux pas regarder à mes forces, à mon armée militaire, à ma puissance militaire. Mes yeux sont sur toi. C'est sur toi, c'est à toi que je m'attends, Seigneur. Toi, tu peux faire quelque chose. Moi, je ne peux rien faire. Cette attitude dans la vie de Josaphat et de son peuple va changer toute la situation. Ça va être leur salut jusqu'à un certain point. Et dans la vie du croyant, une attitude telle quelle, comme celle de Josaphat, ça change la situation. Ça change, ça nous aide, c'est notre salut. Josaphat et son armée sont allés à la rencontre de l'ennemi, malgré tout. Il dit, on est sans force, mais nos yeux sont sur toi. Et parce que nos yeux sont sur toi, on va aller affronter l'ennemi, sachant que nous sommes sans force. Donc, Josaphat et son armée s'en vont à la rencontre de leur ennemi, de leurs trois ennemis, je devrais dire, et ils ont prié et ils ont loué l'Éternel. Au verset 20, ça nous dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitat de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Faites confiance à Dieu et vous serez forts. » C'est ce qu'il leur dit. « Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » J'aurais aimé être là, je vous avoue, pour voir ça. Imaginez trois armées qui s'en viennent pour détruire une seule armée qui est sans force, dont le roi est désespéré. Et ce qu'il va faire... Ce qu'ils décident de faire, c'est de mettre des chanteurs qui normalement vont chanter les psaumes, des choses comme ça, à la louange de Dieu, et ils vont les mettre devant l'armée, aux premières lignes, au front, pour louer l'Éternel. Fantastique, ça devait être spectaculaire, hein? Et ça devait glorifier Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé dans la bataille, dans tout ça? Dieu a fait un miracle. Dieu a fait grâce à son peuple. On voit ça au verset 22, 23, 24. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Lorsqu'ils sont arrivés au champ de bataille de grand matin, ils ont trouvé des milliers et des milliers de corps morts. En effet, pendant la nuit, deux des rois se sont tournés vers le troisième. Les Ammonites et les Moabites se sont liés contre les Édomites. Et ils les ont voués par interdit, c'est-à-dire qu'ils les ont détruits totalement. Et après, Dieu a fait en sorte que les deux armées restantes se sont détruites l'une l'autre, se sont tournées l'une contre l'autre pour se détruire. Mais la Bible nous dit que le matin, lorsque le roi Josaphat est monté avec son armée, tout ce qu'ils ont vu, au verset 24, c'est des corps. Ils ont pu prendre alors les richesses de ces trois armées qui, normalement, se promenaient avec leur butin, le butin de leur bataille, avec leurs richesses. Ils ont pu prendre tout ça et repartir avec sains et saufs, grâce à Dieu qui les avait délivrés. Pourtant, le jour avant la bataille, c'était « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi ». je voudrais faire une parenthèse ici. Je voudrais pas que vous croyiez que je suis en train de dire que s'il arrive une grande épreuve dans votre vie et que vous tourniez vos yeux vers l'Éternel, vers Dieu, que vous vous confiez en lui, je voudrais pas que vous compreniez que je suis en train de dire que l'épreuve va s'en aller comme ça et que le lendemain matin, il n'y en aura plus. Parce que ça se peut qu'elle soit encore là. Et il se peut que vous ayez encore à faire face à cette épreuve pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année. Il se peut qu'en 2012, tu aies de grandes épreuves, des défis auxquels tu vas avoir à faire face. Et qu'au lieu de t'inquiéter, tu choisisses de prier et que tu dises, « Je ne sais pas quoi faire, Seigneur, mais mes yeux sont sur toi. » Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à ce que tu me délivres de ça. Je m'attends à ce que tu m'aides, peut-être à passer au travers. Je m'attends à ce que tu sois avec moi. Je m'attends à toi, Seigneur. Que le Seigneur te délivre ou ne te délivre pas, il te dit, « Je serai avec toi. » Jésus ne t'a-t-il pas dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la promesse du Seigneur Jésus. Et lorsque je pense à des épreuves, oui, Josaphat qui a été délivré, mais je pense au prophète Habacuc aussi, qui n'a pas été délivré. On a l'autre situation ici, là. L'épreuve arrive et il n'est pas délivré. Et pourquoi je mentionne le prophète Habacuc? C'est à cause également de son attitude. Josaphat envoie son attitude de confiance en l'Éternel. Et de Habacuc, qui n'est pas délivré, il y a une attitude d'humilité et de confiance en l'Éternel également. Une attitude digne d'être imitée. Il a choisi de se réjouir dans l'épreuve qui arrivait. Habacuc, le prophète Habacuc, dans son temps, a vu l'augmentation rapide de l'idolâtrie et de l'immoralité du peuple de Juda. Et ça le bouleversait profondément de voir les gens être immoral et idolâtre, se détourner de Dieu. Ça le bouleversait, ça l'attristait. Par contre, la réaction de Dieu face à ce péché-là, face à ces péchés-là, ça le bouleversait encore plus. Dieu lui avait révélé qu'il allait se servir d'une nation méchante comme celle de Babylone pour punir, pour châtier son peuple de Juda. Et Habacuc, à ce moment-là, comprend pas tout ce qui va se passer, comprend pas toutes les raisons de Dieu, mais c'est ce qu'il sait, c'est qu'il va subir, il va être châtié, lui ici, qui fait partie du peuple. Et ça va être dur, ça va être difficile, il connaît les Babyloniens, c'est des barbares. Il dit, oh, Dieu nous envoie un grand châtiment à cause de notre péché. Et je disais, Habacuc ne comprend pas tous ce qui va arriver, mais il peut quand même se réjouir, ce qui est extraordinaire. Sachant que l'épreuve arrive, Habacuc va se réjouir. Parce qu'il avait appris à compter sur la sagesse de Dieu, il avait appris à compter sur la justice de Dieu et sur la souveraineté de Dieu. Il dit, je ne comprends pas tout. Je sais qu'il y a une dure épreuve qui s'en vient contre moi, contre notre pays. Mais je sais que Dieu est juste, je sais que Dieu est sage et je sais que Dieu est souverain dans tout ça. Et c'est pour ça que je me réjouis. Dieu n'a pas changé dans l'épreuve. Les circonstances sont graves, sont épeurantes, sont immenses. Il nous dépasse. Mais Dieu, lui, est là. Il n'a pas changé. Et c'est pour cette raison-là que je me réjouis. Et Habacuc va conclure son livre au chapitre 3, verset 18, de cette façon. « Toutefois, « je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Si ça va bien, je veux me réjouir en l'Éternel. Si ça va mal, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Si ça va bien, gloire à Dieu. Et si ça va mal, gloire à Dieu également. » Donc, la même attitude dans des épreuves similaires. L'un est délivré, l'autre pas. Mais c'est gloire à Dieu dans les deux. Je m'attends à Dieu dans les deux. Revenons à Josaphat et à son peuple ici. Deux Chroniques, verset 20, chapitre 20, verset 12, nous dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Première leçon que j'aimerais qu'on apprenne, qu'on se rappelle, qu'on comprenne aujourd'hui. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Voilà la première leçon à se rappeler ce matin. C'est bien et c'est bénéfique de reconnaître que nous sommes sans force, frères et sœurs. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas une honte. Contrairement à ce que le monde veut nous dire, c'est bénéfique et c'est bien de reconnaître que nous sommes sans force en tant que croyants. Ça va nous aider à avoir la victoire en Dieu dans l'épreuve. Lorsque l'on reconnaît que l'on dépend de lui totalement. Paul, n'est-ce pas lui qui dit, « C'est lorsque je suis faible que je suis fort. » Lorsque je reconnais que je suis sans force, que je suis fort, parce que là, je m'appuie sur Dieu, qui lui est tout-puissant. Josaphat et son peuple ont reconnu qu'ils étaient sans force et qu'ils devaient compter sur l'Éternel. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on se pense fort? Lorsqu'on se pense nous-mêmes, humainement, fort, on a tendance à mettre Dieu de côté. On a tendance à faire de Dieu un spectateur dont nous sommes les acteurs de notre vie. Mais lorsque nous savons et lorsque nous reconnaissons que nous sommes sans force, qu'est-ce qui arrive? Alors, on crie à l'Éternel, on crie à Dieu, on crie à Jésus. On dit, c'est toi l'acteur. On fait de lui l'acteur et de nous les spectateurs de sa grâce divine, de sa gloire. Et la vérité, c'est que nous sommes toujours sans force et que nous avons toujours besoin de lui. Ça, c'est la vérité. Mais des fois, nous oublions que nous sommes sans force. En tant que chrétiens, nous savons que nous ne sommes pas exemptés de subir une multitude d'épreuves. Et 2012, ce n'est pas une année spéciale, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire. 2012, c'est une année comme les autres, à moins que Jésus revienne. C'est une année où est-ce qu'il va y avoir des joies et des peines, des naissances, des mortalités, des congédiements, des nouveaux emplois, des mariages, des divorces. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur, pour l'année 2012. Humainement, nous pouvons éprouver la peur, nous pouvons être troublés, nous pouvons être angoissés et déstabilisés par l'épreuve, par les choses qui se passent autour de nous, et même dans notre vie, dans notre couple, dans notre travail, dans notre église. Que faire alors lorsque nous sommes accablés, justement? Lorsque nous ne savons pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 12 nous dit, « Mais nos yeux sont sur toi. » Voilà la solution. Voilà la réponse. Nos yeux sont sur toi. Prenons exemple sur le roi Josaphat. Le roi Josaphat a refusé de se faire écraser par les circonstances qui étaient contre lui et par la peur qui l'envahissait. Il a plutôt dit, « C'est le Dieu en qui je crois qui est fort, qui est tout-puissant. » Mon Dieu est plus grand que l'épreuve qui m'assaille. Mon Dieu est plus grand que les circonstances. Mon Dieu est plus grand que tout ce qui m'arrive. C'est ce que Josaphat a communiqué, a cru et a communiqué à tout son peuple. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Voilà pour la première leçon. Je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. Deuxième leçon, au verset 17 du chapitre 20. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ce qu'il dit, c'est présentez-vous. C'est tout ce que Dieu demande. Présentez-vous. Vous savez, c'est très important dans la vie chrétienne d'être là, de se présenter. La parole de Dieu nous dit ce matin, présentez-vous. Souvent, nous manquons des occasions spéciales parce que nous ne sommes pas là, parce que nous sommes des occasions en or qu'on manque, parce que nous sommes absents. Et c'est arrivé dans ma vie. Et je suis certain que c'est arrivé dans la vôtre également. Dans le domaine du travail, dans le domaine familial, dans le domaine de l'Église. Soyons là. Soyons des pères présents et des mères présentes. On parle de plus en plus justement de pères absents et de mères absentes. Présentez-vous, ça commence là. Ce n'est pas les cadeaux de Noël qui sont importants dans la vie. Ce n'est pas cela que vos enfants vont se rappeler dans 25 ans. Ils vont se rappeler à savoir est-ce que maman et papa étaient là. Ils ne se rappelleront plus des bébelles. Je vous garantis ça. Présentez-vous au travail et soyez un bon ouvrier. Présentez-vous à la maison et soyez un bon père, un père présent, une mère présente. Soyez un mari présent, une mère, une épouse présente l'un pour l'autre. Soyez là. Présentez-vous à l'Église. Vous avez un service, vous avez un ministère, soyez là. C'est votre tour pour le ménage, c'est votre tour pour l'école du dimanche, c'est votre tour pour la pouponnière, pour préparer le repas du Seigneur, pour la collation, pour la louange, l'adoration, ou pour toute autre chose. Soyez là, soyez prêts, présentez-vous. Soyons là et soyons fidèles, parce que Dieu, lui, est fidèle. Présente-toi devant ton Dieu si tu as une épreuve. Et prie afin qu'il intervienne, afin qu'il t'envoie un conseil, qu'il te délivre peut-être, ou qu'il te donne une solution, une parole d'un frère ou d'une sœur. Ne t'isole pas. Présente-toi parmi le peuple de Dieu. Confie-toi en Dieu, confie-toi en l'Éternel. J'aimerais vous citer Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe, chapitre 30, verset 15, qui nous dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Calme et confiance se trouvent dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Le calme et la confiance dans l'épreuve ou dans toute autre situation se trouvent dans la présence de Dieu. Troisième leçon que j'aimerais qu'on apprenne, que je crois que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, au verset 19 du chapitre 20 de 2 Chroniques. Les Lévites, d'entre les fils des Kérathites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand est-ce que cela est-il arrivé? Quand est-ce que Juda a célébré d'une voix forte et haute l'Éternel? Après la victoire? Non, frères et sœurs. Avant la bataille, Juda a célébré, a loué l'Éternel son Dieu. Avant la bataille, n'est-ce pas merveilleux? Apprenons, en 2012, lorsque nous appréhendons une journée difficile, lorsque nous appréhendons une semaine difficile, apprenons à louer le Seigneur avant même d'entamer cette journée, d'entamer cette semaine, de commencer, d'affronter cette épreuve-là. Apprenons à louer le Seigneur avant. Ça honore Dieu, ça, frères et sœurs, ça honore Dieu. Quatrième leçon, après la bataille maintenant, au verset 26, le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, qui signifie vallée de la bénédiction. Nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Frères et sœurs, n'oublions pas cette année de dire merci également à Dieu. Oui, merci pour l'année qui vient de passer et dont il a été présent pendant cette année-là. Et merci pour les bénédictions. Oui, merci pour ce qui va arriver, pour ce qu'il va faire, mais merci également, et surtout, je dirais, pour qui il est, pour sa présence, pour s'être révélé et pour se révéler constamment à nous. Merci pour toi, Seigneur, tout simplement. Nous pouvons louer le Seigneur avant, et nous pouvons bénir l'Éternel, notre Dieu, après également, après les épreuves. Et ce n'est pas mentionné aussi, mais on peut également le louer et le bénir pendant l'épreuve. Merci Seigneur que tu ne m'as pas abandonné. Merci Seigneur que tu m'aides à passer à travers l'épreuve. Je sais que tu es là, je sais que je puis me confier en toi qui est mon roc. Il va y avoir des occasions en 2012, frères et sœurs, ou est-ce que peut-être même cet après-midi, peut-être même demain, cette semaine, le mois prochain, ou est-ce qu'il va y avoir des difficultés, des épreuves dans votre vie? Au courant de cette année, il y aura des occasions où est-ce qu'on va pouvoir s'identifier à ce verset. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Puisse ce verset t'accompagner pendant toute l'année 2012. Puisse ce verset t'accompagner dans ton église, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie à toi, personnelle. Puisses-tu en faire le verset, ton verset à toi, personnel. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Répète-le avec moi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. On va terminer en priant, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, tu nous as appris que nous sommes sans force sans toi, que tu es le Tout-Puissant. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous révéler ta personne encore de plus en plus cette année. Qu'on puisse te voir tel que tu es, qu'on puisse te voir de mieux en mieux, afin que nous puissions élever nos voix et te bénir et te louer et t'adorer. Parce que c'est pour cette raison que tu nous as créés. Nous savons, Seigneur, qu'en 2012, tu seras là. Nous savons, Seigneur, qu'en 2012, tu vas sauver. Nous savons, Seigneur, qu'en 2012, tu vas te glorifier. Et en 2012, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons être tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Nous voulons que tu te serves de nous. Nous désirons que tu te serves de nous afin d'accomplir tout cela. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2012.